cette chanson. Un jour, en tombant la pelouse de ma maison, quand Bob est arrivé, hey, Bob, dis voir, t'as pas un stick? Sais-tu, garçon, que le cannabis est une drogue? Ah bon? C'est depuis ce jour que j'ai compris que le Père Noël ne livrait jamais ma cargaison. Pour un autre univers, entre ciel et terre, tu ne sais plus vraiment quoi faire. Le cannabis te fait perdre 4 neurones à l'heure. En gros, t'es aussi con qu'un footballeur. Cette petite herbe plutôt sympathique, emmène tout droit dans des délires psychédéliques. Tu crois que t'es devenu un hippie. Peace, peace, mais le fais pas, c'est Jérémy. Perdu dans ton bad trip, t'es complètement assommé. Tu vois, je l'avais bien dit, t'aurais pas dû trop en trouver. Moi je voulais voir tous les éléphants roses. En fait ils sont pas la tête, qu'ils ont fait une pause. Ou peut-être qu'ils bossent pas dimanche et les jours fériés. Ou peut-être ils sont partis en vacances à Saint-Tropez. Hey, le cannabis c'est pour un autre univers. Entre ciel et terre, tu ne sais plus vraiment quoi faire. Le cannabis ça veut perdre 4 neurones à l'heure. En gros t'es aussi con qu'un footballeur. Autour de moi, tout se casse la gueule. En fait c'est moi, j'ai trébuché sur une racine de tilleul. Je ne reconnais plus personne. Aussi là-bas c'est Johnny. Oh, Harley Davidson. Faut que je me teste, je dis complètement n'importe quoi. Toi vas-y, viens par là. Vas-y, fous-moi une claque. Le cannabis se convainc de notre univers. Entre ciel et terre, tu ne sais plus vraiment quoi faire. Le cannabis se fait perdre 4 neurones à l'heure. En gros t'es aussi con qu'un footballeur. Après 3 heures je commence à redescendre. Mais la vie est triste quand je suis tout seul dans ma chambre. Quand sans plus attendre je suis prêt à décoller. Et voilà c'est parti pour toute la journée. Un joint, un stick, une pause tous les quarts d'heure. Pour moi ça c'est le bonheur, ça c'est le bonheur. Je suis tellement perché. J'ai même plus peur de voyager. À 5 euros le G c'est le prix pour s'envoler. À 5 euros le G c'est le prix pour s'envoler. Hey, le cannabis se monte dans notre univers. Entre ciel et terre, tu ne sais plus vraiment quoi faire. Le cannabis se perd 4 neurones à l'heure. En gros t'es aussi con qu'un footballeur. Oh, les zizous! Oh, zizous!